Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes dans l'émission de Portrait Civique, l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique, donc chaque semaine. Alors cette semaine, on est avec la ludothèque de Remiremont. Bonjour. Bonjour. On est donc avec Justine et Jérôme. Voilà, alors la ludothèque de Remiremont, qui est située dans les hauteurs de Remiremont, à l'espace du Belvédère, vers le Rumont, c'est ça, donc, c'est ça. C'est bien ça. Un petit peu dans les hauteurs. Alors la ludothèque, c'est aussi une association qui favorise l'accès aux jeux et aux jouets, près de jeux, jeux sur place et animation. Donc c'est ça. C'est bien c'est ça. Ça. Oui. Et donc pour clarifier, vous n'avez absolument aucun lien avec donc la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la médiathèque des Vosges méridionales, en fait, est municipale. Donc du coup, en fait, c'est pas une association. Contrairement à la ludothèque qui est vraiment associative, donc du coup gérée par un conseil d'administration dont je fais partie. Vous êtes tous les deux donc membres, mais pas que. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter aux auditeurs qui vous êtes? Donc Jérôme, donc je suis donc comme je l'ai dit membre du conseil d'administration. Donc j'ai un parcours un peu particulier au sein de la ludothèque, c'est que j'étais service civique en 2012-2013. Suite à ça, donc j'ai eu un parcours professionnel. Maintenant, je suis éducateur de jeunes enfants et depuis mai dernier, je suis rentré au conseil d'administration et je suis devenu tuteur des services civiques, c'est-à-dire que j'encadre donc les missions, enfin les jeunes en service civique. C'est un job à temps complet? Pas du tout. C'est une passion. En fait, le jeu de société pour moi c'est une passion et donc voilà, c'est pas un job à part entière. C'est vraiment à côté de mon emploi. Voilà. Ok. Et alors Justine? Alors moi, j'ai commencé en service civique à la ludothèque depuis novembre. Au bout de 3 mois, avec tout ce que j'ai pu faire à la ludothèque, on m'a proposé un contrat aidé. Donc, j'ai commencé ce contrat il y a 2 semaines maintenant. Donc voilà, j'ai eu une expérience de 3 mois quand même de service civique qui m'a beaucoup aidée parce que j'étais beaucoup portée vers le secteur de l'animation quand même. Et donc voilà. Alors, 3 mois, c'est un peu inhabituel pour un service civique? Je pense que il y a des cas quand même qui sont comme moi, qui font quelques mois et après un contrat est proposé en interne. Après, je sais que j'ai fait 3 mois et si jamais l'occasion se représente de faire un service civique, je pourrais reprendre un service civique car j'aurais pas fait minimum 6 mois. D'accord, parce que effectivement, peut-être que les auditeurs ne savent pas, mais on ne doit faire en fait qu'un seul service civique. C'est ça. Et donc en fait, comme tu n'as pas fait 6 mois, toi, tu peux reprendre. Oui. D'accord, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Du coup, tu m'avais dit en off, tu as 19 ans, du coup, oui. Tu as encore le temps effectivement jusqu'à 25 peut-être. C'est ça. De trouver d'autres services civiques. Alors, vous êtes tous les deux Vosgiens ou oui. Du secteur de Remiremont? Oui, Remiremont. Et moi, j'habite à Aillenville, à côté de Châtel-sur-Moselle. Ah, ça fait une petite trotte quand même. Oui. Comment ça se fait que tu as atterri à la ludothèque de Remiremont? Comme je l'ai dit, initialement, j'étais en service civique, mais à la base, j'habitais à Épinal. Et puis après, la vie a fait que j'ai changé d'endroit où vivre. Et voilà, maintenant, je suis à Aillenville. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que la ludothèque a un rapport avec vos études ou votre parcours professionnel? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai commencé avec 1 an de BTS assistant manager et au bout d'un an, ça ne me correspondait pas. Ça ne correspondait pas à mes attentes et de ce que je voulais faire après. Donc, je me suis inscrite à la mission locale de Remiremont Et on m'a fait faire des tests de personnalité, tous des petits tests pour voir où je pouvais m'orienter. Et le secteur d'animation, justement, ressortait de ces tests-là. Donc, plus tard, ma conseillère m'a convoquée et m'a proposé justement ce service civique qui était à la ludothèque. Le statut de service civique, à la base, m'intéressait quand même au départ. Et quand l'occasion est tombée du service civique à la ludothèque, c'était vraiment parfait pour moi. Et c'était vraiment une occasion pour moi de faire ce que je voulais. Tu n'avais jamais fait de choses avec les enfants auparavant ? Du babysitting classique, ouais. Quoi. Donc, ou d'autres animations Non. Du coup, ça a vraiment été une occasion pour toi d'aller dans ce secteur et de découvrir un peu... Découvrir un métier sans avoir vraiment de bagages en poche non plus. Et au final, tout s'est très bien déroulé et j'en suis très contente. Et alors, tu penses peut-être reprendre après ton contrat aidé ou continuer peut-être dans ce secteur, même sans formation ? Bah, pour l'instant, mon contrat que j'ai depuis 2 semaines, je passe le BAFA dans 1 semaine, en fait. D'accord. Donc, pour acquérir des compétences quand même dans le milieu de l'animation, c'est très important quand même pour pouvoir évoluer comme il faut. Et donc, le contrat là dure 1 an, donc on verra bien au bout de ces 1 an ce qui pourra être possible. Voilà, pour l'instant. Tu te vois travailler dans une autre ludothèque ou peut-être pas, avec les enfants Pour l'instant, j'en ai aucune idée. D'accord, on verra bien. C'est ça. Et alors, pour toi, Jérôme ? Donc pour moi, le service civique, en fait, a été une belle opportunité parce que je cherchais un peu ma voie professionnelle, entre guillemets. Donc, j'ai fait 1 an en tant que professeur en lycée, chose qui ne m'a pas convenu du tout. Et du coup, le service civique m'a permis de découvrir, parce que ça faisait un moment que je faisais de l'animation depuis mes 17 ans, quelque part, de faire une étape qui m'a permis de voir un petit peu où je voulais aller. Et donc c'est pour ça qu'après je me suis orienté sur éducateur de jeunes enfants parce que c'est un milieu vraiment qui me convient. On accueillait le RAM, donc le relais d'assistante maternelle au sein de la ludothèque quand j'étais en service civique. Et donc voilà, actuellement là je suis animateur RAM justement à Bruyères. Et alors Justine, tu nous as dit que tu avais découvert le service civique via la mission locale. Et pour ta part, Jérôme, comment t'as découvert ? Pour ma part, c'était sur Internet, en fait, sur le site du service civique. Mais tu avais déjà entendu parler du service civique ? J'avais déjà entendu parler, justement, ça permettait aussi d'avoir un petit quelque chose, on va dire, en attendant une voie professionnelle. Et donc voilà, du coup, j'avais été voir sur le site Internet du service civique, voilà, où j'avais trouvé l'annonce de la ludothèque de Miremont. Voilà. Et alors, c'était. Il y a plusieurs thèmes sur le site Internet. Pour vous deux, c'était vraiment un thème important pour vous, la solidarité, ou d'autres thèmes vous auriez peut-être plu Moi, c'est surtout quand on parle d'engagement qui m'a porté plus vers le service civique. C'est vraiment le mot engagement, pour moi, porte beaucoup de choses. Donc ça porte pas uniquement la solidarité, mais beaucoup d'autres choses. Le lien rien qu'avec les adhérents qu'on peut avoir à la ludothèque. Le lien avec tous les partenaires, c'est vraiment quelque chose d'humain aussi, à proprement parler. Mais c'est un peu pareil, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de valeur et d'engagement qui est important dans le service civique. Et pour ma part, c'était l'animation, mais c'était aussi le contact du coup, hein, comme l'a dit Justine, oui. Là, c'est très important au sein de la ludothèque d'avoir des contacts avec les adhérents, avec les partenaires, avec tout le monde, même avec l'équipe en général. Alors, c'est une association que vous connaissiez déjà, oui. Venant du coin, pour toi, oui. Moi, j'y allais quand j'étais toute petite, donc... C'est vrai que ça faisait un peu drôle de se retrouver là, de dire wow, « Waouh, j'ai joué là à la place des enfants qui viennent aujourd'hui et c'est juste magique, quoi. » Ça fait pas bizarre de passer de l'autre côté Bah non, parce qu'on grandit et puis on sait très bien qu'à un moment donné, il faut qu'on rentre dans le monde du travail, qu'on voit un peu comment ça se passe derrière, justement. Mais ça fait bizarre d'être venu sur les lieux, de venir en tant qu'adhérent. Et justement, oui, d'après travailler là, de voir vraiment comment ça se passe. Parce que les personnes, en général, ne savent pas vraiment derrière tout ce qu'on fait. On a d'accord les temps d'accueil, mais on a aussi plein d'autres choses, plein de partenaires à côté. Et c'est vrai que on s'attend pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est super, quoi. Et ça t'a vraiment apporté quelque chose d'avoir un œil justement extérieur en arrivant à la ludothèque, d'un œil d'adhérent en fait, avant un œil de membre participatif? Je me suis jamais vraiment posé la question parce que c'est ce que je voulais faire aussi, l'animation, donc pour moi c'était naturel. Mais au niveau des choses à améliorer, au niveau du retour un peu du public, tu savais déjà un petit peu ce que c'était puisque toi-même t'étais déjà un peu venu jouer. Oui, mais ça a évolué du temps que j'y allais moi quand j'étais enfant et quand maintenant, déjà, le changement de locaux. Moi, j'allais dans l'ancien, au centre de Miremont. Et maintenant, c'est à l'espace Belvédère. Donc, c'est vrai que déjà là, il y a déjà un gros changement. Donc, j'ai pas suivi ce changement entre quand j'étais petite et à maintenant. Donc, Et pour ta part, Jérôme, Moi, je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivé à la ludothèque et j'y connaissais rien du tout au jeu, à part les animations de colo que j'avais faites. Et en fait, c'est ce qui m'a donné cette passion du jeu. Aujourd'hui, je possède une centaine de jeux chez moi. Et voilà, c'est vraiment. C'est pour ça aussi que j'y suis revenu en tant que membre du conseil d'administration, parce que ils m'ont tellement apporté qu'en fait, je voulais aussi apporter en retour. Et donc, voilà. Pourtant, il y a d'autres associations de jeux à Épinal, si tu venais d'Épinal. Oui. Après, t'étais pas forcément au courant ou tu t'y étais jamais peut-être simplement intéressé. Pas forcément intéressé, justement. Avant, là, il y a l'année passée, j'habitais en Moselle et du coup, là, on est revenu dans les Vosges et en fait, on a cherché justement les associations qu'il y avait. Donc là, je suis membre du conseil d'administration de la ludothèque d'Ormiremont, mais je vais aussi jouer à Despions et compagnie qui est situé à Thaon-les-Vosges et je connais aussi quelques acteurs ludiques sur Bruyères, sur Épinal, un peu partout. Donc c'est aussi, on se forge un réseau, voilà. Il y a quoi d'autre un peu comme partenaire? Est-ce qu'il y a des alors je sais qu'il y en a sur Nancy. Est-ce qu'il y a des magasins spécialisés dans les jeux à part les gros magasins de jeux dans les hauteurs d'Épinal? Est-ce qu'il y a vraiment des petits magasins spécialisés sur Épinal ou dans les Vosges en général? Alors dans les Vosges, je pense citer un seul que je connais vraiment bien, c'est Lutin Malin à Épinal. D'accord. Qui est une petite boutique de jeux de société, mais de jeux de société quand même assez moderne. Et du coup, c'est une petite boutique que moi, j'aime bien. Après, voilà. Après, il faut aller sur Nancy, sinon. Ouais. C'est là où tu achètes tes jeux, en général? Lutin Malin, j'en achète, oui. J'en ai acheté pas mal. Sur Nancy, beaucoup moins, si au début, mais maintenant, beaucoup moins. On est dans les Vosges. Alors, la question, c'est à quel jeu vous jouez tous les deux? Est-ce que quel genre de jeu? On joue souvent ensemble déjà, donc. Mais on joue vraiment à des choses des fois qu'on n'imaginerait même pas jouer un jour et on découvre des fois des jeux, mais c'est des parties de plaisir en fait. C'est déjà la ludothèque, c'est moi pour ma part mon travail, mais c'est aussi une passion derrière. C'est vraiment, je passe énormément de bon temps là-bas. On fait des soirées jeux où c'est vraiment convivial et on rigole très très bien et on joue à des jeux. Des fois, je pensais pas pouvoir jouer à ces jeux-là un jour. je réfléchissais, je me dis, tiens, je vais peut-être donner l'exemple d'hier. En fait, on est parti donc avec la coordinatrice de la ludothèque, donc qui s'appelle Mathilde Joss. On est parti à Cannes, au Festival de Cannes, au Festival international du jeu de société. Oui. Et donc hier, on est revenu et on a attendu à l'aéroport et en fait, on a rencontré une jeune fille avec qui on rigolait et puis on a dit tiens, on a qu'à se faire une partie. On s'est fait une partie de Twin It, donc c'est un jeu qui a été sélectionné aux As d'Or du festival. Donc c'est un jeu un peu d'observation et de rapidité. L'idée c'est de reconnaître des paires en sachant qu'il y a des motifs qui se ressemblent vraiment beaucoup dans le jeu. Donc on a passé à peu près une heure à jouer à ça. Et voilà, ça a été une rencontre, ça a été un jeu sur le moment-là. Et je trouve que le jeu, c'est pour tout public, en fait. Ça va de l'enfant à l'adulte. Et quand on propose des soirées jeux, c'est famille, mais c'est aussi des rencontres entre adultes et avec les enfants. Voilà. Est-ce que vous sauriez un peu décrire, pas forcément que vos jeux, parce que c'était peut-être des préférences personnelles, mais les jeux qu'il y a à la ludothèque en général? Très divers et variés aussi. Ouais. Ça va du grand jeu en bois, ou au jeu pour enfants, au jeu de la toute petite enfance. Vraiment, c'est assez diversifié. Il y a, alors moi je pensais il y a aussi tout ce qui est un peu jeu de réflexion qui est un peu plus pour les adultes et jeu de plateau. D'ailleurs on entend souvent parler de jeu de plateau. Qu'est-ce que c'est exactement un jeu de plateau? Alors un jeu de plateau, bah c'est tout bonnement dans le nom, hein, c'est un jeu avec un plateau voilà, de jeu et des pions et dans le, qu'on peut déplacer, voilà. Justement, le jeu de plateau, c'est ce qui permet de jouer à plusieurs. Enfin, après, il y a le jeu de cartes, il y a d'autres choses. Après, c'est vrai qu'on parle de jeu de plateau, mais le classement officiel ne parle pas de jeu de plateau. Le classement officiel s'appelle le classement ESAR. Et en fait, c'est exercice, symbolique, assemblage et jeu de règles. En fait, quand on parle de jeu de plateau, on parle de jeu de règles. D'accord. Voilà. Donc, des règles assez élaborées, des fois? Des fois, assez élaborées, oui. Vous faites un peu des soirées d'initiation, parce que j'imagine il y a des tas de jeux, on ne sait pas forcément jouer, quand on a envie de venir à la, ludothèque, pardon, on a envie de découvrir. Mm-hmm. Vous faites un peu ce genre de choses Eh ben, comme disait Justine, donc on a mis un projet en place à partir, donc ça a commencé en novembre, quand Justine est arrivée quasiment, où on fait des soirées, une soirée jeu par mois. Donc la prochaine, c'est le 20 mars, tout le monde peut venir. Voilà, c'est sur inscription quand même parce qu'il y a un certain nombre de places, mais tout le monde peut venir et on partage des jeux. Moi, j'en amène de ma collection personnelle qui sont pas forcément à la Ludo, donc voilà. Comment vous faites pour choisir des nouveaux jeux pour la ludothèque? J'imagine il y a un petit budget, je sais pas, tous les mois, tous les deux mois, pour acheter des nouveaux jeux. Ça, c'est au gré des subventions aussi. Ouais. Donc, ça dépend. Hein, voilà. Là, on a fait un gros achat là, enfin un gros achat. On a fait pour 500 euros. On a acheté pour 500 euros de jeux sur le festival. On a essayé de choisir des jeux un peu plus modernes. On a essayé de choisir des jeux qui soient adaptables tant à la famille qu'aux adultes. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les jeux, c'est pour les enfants. Et c'est une image que la ludothèque porte. Mais les jeux, c'est pas fait que pour les enfants. Ça, je peux vous l'assurer. C'est aussi fait pour les adultes. Et voilà. Vous privilégiez justement des festivals, par exemple, ou d'autres endroits pour les tester avant de les acheter? Oui. Pour vous, c'est important de tester? Bah, c'est important de tester pour savoir un petit peu à quoi on s'engage. Après, voilà. Après, moi, j'aime bien aussi marcher au coup de cœur et je sais que s'il y a un visuel qui, enfin, moi, je marche beaucoup au visuel. S'il y a un visuel qui me plaît, en général, j'irai voir le jeu, quoi. Après, ça veut pas dire que le jeu me plaira, mais voilà. Alors, je vous propose tout de suite, on a déjà bien entamé l'heure, une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Alors, peut-être pour parler un peu plus de vos missions à service civique. Donc, on se retrouve tout de suite après dans l'émission Portrait civique. Lay my head under the water. Lay my head under the sea. Excuse me, sir, am I your own daughter? Won't you take me back and see? There's not a time. I could be free. C'était The Pretty Reckless avec Under the Water. Désolée pour l'accent anglais. Alors, vous êtes toujours sur Radio Guémozo dans l'émission Portrait Civique. Et aujourd'hui, on est donc avec Jérôme et Justine de la Ludothèque de Remiremont. Alors, vous avez fait tous les deux un service civique. Donc, pour Justine, c'était il n'y a pas longtemps. Pour Jérôme, c'était un petit peu plus longtemps. Est-ce que vous pourriez nous décrire c'était quoi exactement vos missions en service civique ? Alors moi, ma mission, c'était promouvoir les actions de la ludothèque dans ses environs. Donc tout ce qui est, je veux faire des supports de communication, parler aux adhérents, ça comportait énormément de choses en fait, c'était assez complet. Alors quel un petit peu moyen de communication vous utilisez justement les ludothèques ? On a fait surtout, moi dans ma mission, j'ai surtout fait des affiches pour les soirées jeux qu'on affichait à l'espace Belvédère même, qu'on affichait sur Facebook aussi, voilà. Est-ce que vous essayez un petit peu d'aller vers les gens pour trouver de nouveaux adhérents ? Ou vous, par exemple, je sais pas, dans des écoles, peut-être des centres d'accueil. J'ai vu sur votre site, vous faites aussi des choses avec des handicapés ou des personnes un peu plus âgées. Oui, il y a le foyer tremplin surtout qui vient tous les mercredis. Il y a vraiment le public est très large. Hein. On a des personnes handicapées, on a des enfants, on a des adultes. C'est vraiment le jeu apporte beaucoup de choses à toutes les personnes en fait. On trouve toujours des jeux pour n'importe quel type de personne, en fait. La mission était principalement donc sur la communication, c'est ça ? C'est ça. Et vous n'êtes jamais venu à Radio Guémozo présenter les choses de la ludothèque, c'est dommage. C'est donc un bon moyen de communiquer un petit peu localement. Vous essayez justement de communiquer vraiment autour de Remiremont ou un petit peu au-delà de Remiremont ? Déjà, l'association, elle est ouverte pas qu'au Romaïri-Montain ? Non. Non. Elle est ouverte à tout le monde. Alors après, il y a un système d'adhésion qui permet d'adhérer du coup à l'association. Hein, Donc voilà, selon le prêt de jeu qu'on veut, selon l'animation qu'on veut, voilà. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, dans l'histoire de la ludothèque d'Remiremont, donc Justine l'a rappelé tout à l'heure, avant on était à la résidence La Paltrée, donc qui est une résidence, en fait, on avait des locaux en sous-sol, qui nous permettaient pas d'accueillir beaucoup de public. Et du coup, les activités de la ludothèque se sont développées sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'animations à l'extérieur, donc dans les maisons de retraite, dans les centres de loisirs, dans les écoles, et le prêt de jeu restait entre guillemets une petite partie quoi du travail. Aujourd'hui, maintenant qu'on est à l'espace Belvédère, ça se développe un peu plus puisqu'on peut accueillir plus de public, mais on a gardé cette spécificité entre guillemets de ludothèque itinérante où on se déplace un peu partout. Donc voilà, un petit peu. Alors des petits noms de villes dans lesquelles vous êtes déplacé, je sais pas autour de Remiremont. Saint-Étienne-lès-Remiremont, Vagné, Saint-Amé, Le Coup, voilà. Ça reste le petit, un petit peu des Hauts-de-Vosges, quoi. On va dire. On a un périmètre de 50 km environ. D'accord. Voilà. Vous êtes restreint exprès, On est restreint justement par le réseau, ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur Épinal parce qu'il y a d'autres associations. Oui. À la Bresse, il y a une autre ludothèque, donc on ne va pas y aller non plus. Enfin, voilà. Donc, pas trop les hauteurs, mais entre Remiremont, un petit peu entre les deux. Oui. D'accord. Alors. Au niveau du service civique, toi c'était communication, Justine, est-ce que c'était un petit peu pareil pour toi, Jérôme ? Alors moi à l'époque c'était, si je me souviens bien, c'était développer les actions intergénérationnelles. Donc justement on a monté des projets pour intervenir en maison de retraite. Donc on avait fait une action, dans mon souvenir, à la maison de retraite de Cornimont. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui s'est forcément maintenu. Alors je crois pas qu'il y ait encore des actions là actuellement dans les maisons de retraite, mais voilà, s'il y en a qui nous écoutent, on est partant. Toujours. Et ça marche bien les jeux entre générations, entre les plus jeunes et les plus âgés. Ouais. C'est un outil tellement Bah, c'est vraiment intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on pourra aussi débattre entre plus jeunes et plus anciens. Et ça, c'est je sais pas comment vous dire, en fait. C'est un outil qui permet la communication entre les deux types de personnes. Au final, c'est quelque chose vraiment qui rapproche les gens et qui... C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le jeu, ils peuvent un peu discuter au-delà du jeu et vraiment avoir un échange. Oui, c'est vraiment ça. C'est un moyen de partage, en fait. C'est un moment de partage par le jeu et aussi par la parole et tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment bien. Vous en faites encore ce genre de jeu? Ou c'est plus selon les personnes qui viennent? Ou, je veux dire, d'événements où vous essayez de rassembler plusieurs générations, ça se fait encore un petit peu, comme tu disais, aller dans les maisons de retraite, non, plus trop? Pour l'instant, non, ça c'est un peu en stand-by. Après, on essaie de développer, pour l'instant, du coup, les activités de la ludothèque. Hein, c'est ça qu'on doit. Dans la mission de Justine, c'était vraiment ça, c'était de développer la communication autour des actions qu'on fait actuellement, hein, pour justement leur donner de la visibilité et ensuite chercher de nouveaux partenaires et... Alors, en parlant de partenaires, je sais pas, l'idée vient de me traverser l'esprit. Je crois que le Conseil municipal des jeunes de Saint-Étienne-lès-Remiremont essayait justement de faire des actions intergénérationnelles. Donc, peut-être que s'ils nous écoutent, ils seraient intéressés, pourquoi pas venir emprunter des jeux. Comment ça se passe d'ailleurs, l'emprunt des jeux? C'est, on faut être adhérent? Oui, il faut être adhérent pour pouvoir emprunter des jeux. En fait, il y a plusieurs types d'adhésion. Soit on emprunte plusieurs jeux d'un coup sur une période. Donc en général, la période, il me semble que c'est un mois. Tous les mois, on les ramène, on vient en rechercher d'autres. Donc voilà, ça c'est un forfait. Soit sinon, c'est des jeux à la gommette. En fait, chaque jeu a une gommette et le prix varie selon le jeu. Voilà. Des petites idées de prix, combien? Ça va de 1 euro pour les jeux classiques et 6 euros pour les grands jeux en bois. Qui sont en location. C'est surtout en location les jeux en bois, en fait. Et on peut les garder combien de temps? Un mois, normalement. Les jeux en bois? Oui, il me semble que ça. Je crois que c'est un week-end. Enfin, ça joue sur un week-end en général. Les personnes en général viennent vraiment pour les occasions. Week-end, ils viennent les chercher le vendredi. En général, ils les ramènent le lundi. C'est vraiment sur des périodes courtes. Après, nous, c'est sûr que quand on va en animation, on prend tous les jeux par rapport à l'animation qu'on va faire et puis ben, on les ramène juste après. Alors, par rapport justement aux horaires d'ouverture, c'est ouvert quand à peu près la ludothèque? Alors, la ludothèque, elle est ouverte de 10h à 12h30 le mercredi matin, ensuite l'après-midi de 14h à 18h, de 16h30 à 19h le vendredi soir, et le samedi matin de 10h à 12h30. Et après, le samedi après-midi, il y a possibilité de faire des anniversaires, voilà. Oh, super. Et c'était les horaires que vous faisiez en tant que service civique ou justement, il y avait tout un à côté, entre guillemets, de derrière, où vous travailliez les choses de derrière, je sais pas. Sur les 3 jours là que je vous ai dit que la ludothèque était ouverte, j'étais là uniquement le mercredi, en règle générale. Après, ça variait en fonction des semaines, parce que toutes les semaines ne se ressemblent pas, et en fonction surtout des autres animations, c'est vrai que j'étais en 25 heures par semaine, donc voilà, faut aller trouver le temps d'être avec les adhérents, le temps de faire la communication, donc c'est vrai que les semaines se ressemblaient pas, et j'avais beaucoup de choses à côté des horaires d'ouverture. Et ah mince, j'ai perdu ma question. Ça va me revenir. Du coup, par rapport à la mission que vous faisiez beaucoup quelque chose de précis, mais est-ce que vous participez des fois aussi aux événements? Bien un sûr, petit peu, c'est important. Ouais. C'est important de quand on promouvoit quelque chose, de savoir vraiment comment ça se passe en réel. Parce que moi, pour ma part, de parler quelque chose que je ne connais pas, c'est assez difficile de développer, d'en parler autour de nous, de dire « Ah oui, je promouvois une soirée jeu, mais comment ça se passe une soirée jeu ?» Et quand moi, je faisais les affiches de soirée jeu, justement, je me dis « Mais pourquoi pas y assister au final ?» Parce qu'on voit vraiment, des fois, les adhérents peuvent faire des remarques positives sur le support qu'on avait fait visuel, dire bah ça j'ai pas trop vu comment c'était, est-ce que puis on réfléchit sur le travail qu'on a fait avant, on dit oui, on a le retour des adhérents et c'est super important. Et puis le partage qu'on peut avoir durant ces soirées là, c'est important. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait avoir, cette passion du jeu, au moins cet intérêt à venir à quelques soirées pour faire un service civique à la ludothèque ? Pas forcément, on n'est pas non plus obligé de venir aux soirées jeux, mais moi personnellement, c'était important pour moi. Après voilà, c'est pas voilà, moi j'ai une facilité pour de pouvoir me déplacer aussi jusqu'au Rumont. Parce que j'habite au centre de Remiremont. Donc voilà, d'autres qui habitent un peu plus loin, c'est sûr que c'est pas facile de travailler toute la journée et puis revenir le soir pour la soirée jeu. Voilà, ça dépend aussi des moyens qu'on a et voilà, moi j'avais justement ce moyen-là, donc j'en ai profité pour assister à ces soirées-là. Pour ta part, Jérôme ? Pour ma part, moi, enfin, je vais parler plutôt au nom du conseil d'administration, c'est-à-dire que dans l'encadrement des services civiques, c'est vrai qu'il y a leur mission et c'est vrai qu'on demande quand même à ce qu'il y ait une découverte aussi du fonctionnement. Donc des autres activités de la Ludo, hein, que ce soit les animations, que ce soit le fonctionnement associatif aussi, parce que c'est assez complexe à maîtriser quand même quand on connaît pas. Donc voilà, du coup, on a cet intérêt-là. Après, moi c'est pareil, quand je suis arrivé à la ludothèque, l'engagement a fait que j'ai choisi de participer à un maximum de choses. Voilà, parce qu'on a quand même... Bon, pour ma part, je crois que c'était à l'époque un an de service civique, mais c'est vrai qu'en 6 mois pour découvrir, c'est quand même assez rapide et que du coup voilà. Même en trois mois. Alors, on a parlé d'accessibilité dans le sens où quand même effectivement il y a des soirées qui sont le soir pour que les gens puissent venir après le travail. Avant, justement, vous avez changé de locaux. Avant, vous étiez à la Paltrée. Plus au centre-ville de Remiremont. Oui. Là, vous avez changé un petit peu en hauteur, au Rumont. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que les gens sont motivés à grimper la colline, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a eu un petit changement qui a été visible ou pas du tout ? Il y a beaucoup de personnes qui venaient dans les anciens locaux qui ne viennent plus ou qui viennent encore, mais qui ont suivi vraiment le changement et qui clairement, viennent quand même. Et d'autres qui découvrent seulement la ludothèque, donc au final ils peuvent pas faire la comparaison entre avant et aujourd'hui. Et c'est vrai que ceux qui ont vraiment envie de venir, ils regardent pas non plus la côte du Rumont. Vraiment, il y a une accessibilité aussi au niveau du parking, donc c'est assez pratique. Et puis j'imagine les locaux doivent être sont assez modernes. Vous avez déménagé quand déjà ? Il y a quelques années. 2 ou 3 ans. Ouais, c'est assez récent. Oui. J'imagine que ça doit être super bien équipé aussi au niveau handicapé, accessibilité. Il y a un ascenseur justement dedans. Oui. Ouais. Il y a une rampe pour y accéder. Il y a vraiment. D'accord. Et au niveau des utilisateurs, justement, les gens du Rumont, comme c'est à côté de chez eux, ils viennent un petit peu ou... Oui, il y en a quelques-uns. Oui, il y a des familles quand même qui viennent. Oui. Alors, pour revenir un petit peu vers le service civique, parce que du coup, c'est un petit peu le thème de mon émission, est-ce que vous sauriez décrire un petit peu les journées types que vous passiez en service civique ? Une journée type, là, je sais pas. Toutes les journées ne se ressemblent vraiment pas et c'est... Il n'y a pas vraiment de journée type, au final. Ouais, c'est vraiment tous les jours différents. C'est aléatoire, en fait. C'est ça qui est peut-être bien, qui est peut-être motivant de se dire... Je vais faire quelque chose de nouveau et ce sera pas comme hier. On a des semaines types plus ou moins, mais il y a quand même des choses d'une semaine à une autre qui diffèrent plus ou moins. On voit même pas les mêmes personnes, donc c'est aussi différent. Des fois, il y a des animations qu'on a sur une semaine et qu'on n'a pas sur l'autre. Il y a des animations ponctuelles et il y a des animations un peu plus permanentes, donc c'est vraiment vraiment aléatoire. Ça fait longtemps que la ludothèque accueille des jeunes en service civique. Oui, parce que même avant moi, donc avant que je vienne, donc avant 2012, donc ça fait un sacré moment, oui, que la ludothèque accueille des services civiques. Après, il faut dire que bon, ça a un intérêt aussi entre guillemets financier, hein, dans le sens où l'État paye une bonne partie du service civique. Donc voilà, on est à une mensualité aujourd'hui qui est minimum de 470 par l'État, et la ludothèque rajoute à peu près 100 € de plus. Donc voilà. Il y en a actuellement des services civiques ? Chez vous, il y en a actuellement des jeunes Oui, alors justement, Justine donc, a été embauchée en contrat aidé. Et tout de suite après, on a recruté un service civique pour pouvoir justement que cette mission de communication perdure. Donc là, on a un jeune qui est arrivé depuis une semaine. Donc voilà, qui a la même mission du coup que Justine. Il y en a plusieurs à la fois ou Non, c'est toujours général, un seul. Juste oui. Nous, on en prend toujours un seul à la fois. Ça permet au niveau de l'encadrement, c'est plus facile pour les suivre. Et voilà. Plutôt 6 mois Oui. 6 mois, ouais. Pourquoi, oui. Pourquoi pas 6 ou 8 mois, c'est, ouais. Voilà. Moi, j'avais 8 mois, oui. Ouais, ça dépend, en fait, des jeunes, peut-être, ou... Et puis, on a un calendrier. En fait, on fait une demande d'agrément, on a un calendrier, donc, avec, en général... Enfin, là, c'était 3 missions de service civique, et on en avait 2 à 8 mois et 1 à 6 mois. Voilà. Vous êtes pourtant... Vous marchez pas forcément avec le rythme scolaire, c'est-à-dire que, justement, pendant les vacances scolaires, il faut des animations, c'est oui. Peut-être l'inverse. Oui. Il faut que ça bouge, quoi. Et alors, j'avais regardé un petit peu sur le site officiel, il y a toujours une annonce, alors peut-être c'est celle qui a été pourvue, qui devait être pourvue pour le 15 février. C'est celle-là. D'accord, donc si les gens nous écoutent, faudra attendre que donc, ce service... Donc la prochaine, on va refaire une demande d'agrément au mois de juin, et donc du coup, les prochaines tomberont l'année prochaine, voilà. Donc, faut rester aux aguets pour voir les prochaines missions, donc plutôt fin de l'année scolaire, plutôt oui. Vers l'été. Oui. Ok, alors je vous propose une deuxième pause musicale, si ça vous va. Et donc c'est avec Whistle, Take Him Down. C'était Take Him Down de Whistle dans l'émission Portrait Civique. Alors, on est toujours avec la ludothèque et avec Jérôme et Justine. Alors, je vous propose de revenir un petit peu vers la ludothèque. Je pense qu'on en a parlé en off. Ça fait combien de temps qu'elle existe, l'association ? Alors, l'association, dire l'année exacte, voilà, c'est un peu compliqué, mais ça, dans les années 80 qu'elle a été créée, donc initialement avec à peu près, il me semble, 200 jeux, si je me trompe pas. Donc voilà, et au fur et à mesure, elle a grandi, et donc voilà. Il y a beaucoup de monde en tant que bénévole dans l'association ? Alors, au niveau du conseil d'administration, on est à 12 bénévoles. Donc voilà, on se réunit une fois par mois en conseil d'administration pour donner les grandes orientations de la ludothèque. Voilà. Il y a une coordinatrice, donc Mathilde Joss, et une équipe à peu près de 8 animateurs. Et à peu près au niveau de nombre d'adhérents ? Alors, adhérents famille, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 115 adhérents famille. Qui sont actifs régulièrement. Voilà. Ah oui, c'est un bon petit nombre. Après, une trentaine de collectivités. En tant que jeune en service civique, pour vous, c'était vraiment sympa de travailler. Je ne sais pas s'il y avait une ambiance où vous travailliez vraiment avec vos collègues, où vous étiez un petit peu autonome à l'inverse. Il y a vraiment une solidarité entre nous. Il y a vraiment de la dynamique et on a vraiment une bonne ambiance. On a vraiment une très bonne ambiance. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Oui. Ah bah oui, clairement. C'est un travail d'équipe et puis voilà, c'est comme on le rappelait tout à l'heure, c'est une association. Du coup, il y a le côté humain envers les adhérents et tout ça, mais il y a aussi le côté humain envers nous. Et donc du coup, effectivement, il y a une grande solidarité d'équipe et voilà, on travaille tous ensemble. Et du coup, toi, Jérôme, tu es tuteur, donc tu encadres un petit peu les jeunes en service civique. Pour toi, c'était vraiment important de devenir tuteur ou au moins qui. Eh ben, quand la fonction entre guillemets de tuteur des services civiques s'est libérée, en fait, je me suis dit que ça pourrait être une bonne opportunité de par mon métier, hein, éducateur de jeunes enfants, et du coup de pouvoir aussi partager mon expérience en tant que service civique auprès des jeunes qui arrivent. Donc voilà, du coup, on fait toujours, quand ils arrivent, on fait toujours le point sur ce qu'ils veulent faire plus tard, sur voilà, ce qui les intéresse, et du coup, après, on travaille là-dessus. Comment ça se passe un petit peu pour le suivi ? C'est-à-dire que tu es un petit peu à ses côtés quand ils travaillent, ou tu es dans le coin, ou vous faites des petits points réguliers de temps en temps ? C'est ça, c'est plus des petits points réguliers. Je travaille aussi beaucoup par mail, donc du coup, j'envoie beaucoup de mails, et voilà, avec les informations... à transmettre. Oui, voilà, on faisait quand même des entretiens assez régulièrement. On se voyait pour les soirées jeux aussi, donc ça nous permettait de débriefer 5 minutes sur certaines choses. On parlait énormément aussi par message mail, messenger, voilà, pour vraiment faire le point en fonction des choses qu'il y avait en cours et pour n'importe quelle question que j'avais, voilà, on arrivait à savoir rapidement, quoi. Et justement, peut-être un peu pendant les soirées jeux, ça permet de voir son tuteur un peu différemment, d'échanger autrement si vous faisiez des soirées jeux ensemble. C'est vrai que l'association, c'est particulier, surtout à la ludothèque, parce que c'est sûr qu'on a la relation professionnelle d'un côté et une autre relation liée par le jeu derrière, et c'est vraiment intéressant. Ça change, quoi. Oui. Et du coup, toi, Jérôme, ça fait combien de jeunes, enfin, combien de temps que t'es tuteur de service civique ? Eh ben, du coup, la première, c'était Justine. Ah, d'accord. Donc, ça fait vraiment pas. Non, ça fait pas longtemps. Il y en a eu, du coup, juste il y a deux. Justine et puis, Kevin qui est actuellement en service civique. Donc, c'est le deuxième. Ah oui, donc, il n'y a pas forcément de retour pour savoir si ça s'est toujours bien passé. Non, pas forcément. Mais, j'ai eu des retours du coup, des anciens services civiques où il y a certains que ça a pas trop marché parce que, ils prenaient le service civique un petit peu à la légère et que du coup, voilà. Mais après, il y a des services civiques qui ont très bien fonctionné et voilà, Justine en est la preuve puisque maintenant elle est embauchée au CAE et c'est parce que aussi elle s'est intéressée vraiment à la tâche qui lui a été confiée. Et après, on a pu voir que l'animation, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Et du coup, voilà, on va l'encourager dans son projet professionnel. Et tu saurais dire pourquoi, justement, certaines personnes n'étaient pas trop intéressées ? Parce que c'était le service civique. Enfin, c'est l'engagement, peut-être, c'est pas forcément ça, les jeux. Comme c'est pas moi qui les essuie, je peux pas trop dire. Voilà, il y a certainement de ça. Il y a peut-être le jeu aussi, hein, parce qu'il faut quand même... Je pense que parfois, il y a des jeunes qui postulent à la ludothèque... savent pas ce que c'est que le jeu et des fois ça peut dérouter, je pense. Je ne savais pas non plus de base. Et est-ce que vous pensez que le service civique, c'est vraiment quelque chose pour préparer quelque chose à côté pour une autre formation ou peut-être une poursuite d'études ? Je ne sais pas, est-ce que toi, peut-être en tant que tuteur, tu vois ça, que les jeunes essayent de construire quelque chose à côté ? Est-ce que tu suis un petit peu ou pour toi, c'est peut-être plus des choses que la mission locale devrait faire Parce que j'ai eu, selon les personnes que j'invite, ils ont un peu des avis différents. Il y en a, ils laissent un petit peu le jeune, parce qu'en général, c'est des heures, pas beaucoup d'heures. Ils laissent le jeune faire un peu sa vie après les heures de travail. Et il y en a qui considèrent au contraire, qu'ils essayent un peu de suivre, voir avec le jeune qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il peut faire après, quoi. Et moi, justement, ce que je disais, c'est-à-dire que dans la première semaine où il est là, justement, j'essaie de voir un petit peu le projet d'avenir qu'il a. Et par rapport à ça, on va pouvoir travailler aussi, parce que dans le service civique, il y a aussi une formation citoyenne obligatoire, il y a le PSC1. Et justement, le choix de la formation citoyenne peut être aussi axé suivant ce que le jeune veut faire comme projet professionnel après, quoi. Donc voilà, le BAFA aussi, c'est également une aide pour la suite. Oui, ça a été un conseil qu'ils m'ont donné au départ, tiens, si tu passerais ton BAFA, ça irait déjà beaucoup mieux, tu te sentirais plus à l'aise dans les animations. Et c'est vrai que je me suis dit, si de toute façon, c'est un bagage que j'aurais, et si je veux continuer dans l'animation, c'est sûr que ce serait indispensable. Donc, autant le passer, et puis voilà. Vous êtes tous, entre guillemets, dans l'association, plus ou moins dans le monde de l'animation, ou j'imagine, il y a des gens qui n'ont rien à voir, peut-être qui... Après, on est plus ou moins dans le milieu de l'éducation. Il y a quand même trois éducatrices et éducateurs de jeunes enfants. Il y en a une qui travaille en collège. J'essaie de voir un petit peu. Il y en a une qui était instit. Enfin, voilà. C'est plus dans le milieu de l'éducation, on va dire. Ouais. C'est pas mal, ça donne un peu... ça découvre aussi, peut-être le jeune, ça permet de découvrir de nouveaux d'autres métiers où les gens peuvent justement, sont plus à même pour apporter des conseils, j'imagine. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y a vraiment tout horizon, hein. Même dans les salariés, il y a vraiment des passés qui n'avaient pas rien à voir avec l'animation et qui finalement apportent chacun un élément de leur passé et qui arrivent à booster les choses dans l'équipe. Et c'est ça qui est bien. Par rapport donc aux initiatives pour les jeunes, vous leur laissez vraiment faire ce qu'ils veulent ou vous essayez un petit peu de les diriger ou j'imagine alors des fois c'est plutôt des histoires de budget, c'est un peu dur de les laisser comment ça se passe s'ils ont des nouvelles idées, des nouvelles envies, au contraire vous les poussez je sais pas trop comment ça se passe. Alors moi justement j'ai tendance à les pousser. Parce que moi j'attends justement qu'il y ait des propositions. Après en sachant que il y a deux parties, hein. Il y a bien la partie où moi je donne quelque part un cadre. Donc le cadre en fait c'est l'intitulé de la mission. Hein. Et après je lui donne certains outils. Donc là on avait Facebook, on avait les affiches, voilà. Mais après je suis preneur de nouvelles idées en sachant qu'on est une association. Du coup tout passe par le conseil d'administration. Oui. Donc même si je reçois une nouvelle idée, j'irai la présenter au conseil d'administration pour la faire valider ou pas. Et après, selon la validation ou non, le jeune pourra travailler dessus. Voilà. Par rapport à la mission de départ, Justine, toi, il y a eu vraiment une évolution de ton rôle ou de ta mission, entre guillemets, pendant tes 3 mois ? Disons qu'en communication, c'est une évolution constante. Et en 3 mois, c'est vrai que c'est difficile à juger. Après, sur les supports de communication tels que les affiches, c'est vrai qu'au départ, les affiches, les affiches, je sais pas trop quoi. Et puis au final, Jérôme m'a poussée dans le sens que voilà, il fallait que je m'améliore positivement, bien sûr, toujours. Et voilà, il m'a beaucoup aidée dans ce sens-là parce que moi, la communication au début, c'est vrai que les affiches, moi, j'ai pas d'idées. Elle a réussi à me trouver des idées et moi, que j'applique les idées derrière et voir ce qu'on pouvait rechanger, améliorer. Et c'est vrai que il y avait une amélioration surtout au niveau des supports visuels. Pour les affiches, tu utilisais des logiciels en particulier ou tu faisais peut-être quelque chose de plus ? J'étais sur Photoshop. Photoshop, ouais. Mm. Et tu avais déjà utilisé le logiciel ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout, ouais, c'est un peu déroutant hein, quand t'arrives sur Photoshop. Pas du tout. Pas trop... Après, j'ai un entourage qui utilise ce logiciel-là. Ouais. Donc, j'ai pu me former avec mon copain et du coup, qui m'a donné des pistes de comment je pouvais faire, parce que c'est vrai que c'est un logiciel qui est pas du tout facile, mais j'ai travaillé comme je pouvais et j'en suis contente, parce que j'ai acquéri de nouvelles compétences dans quelque chose en particulier, et qui me servira sans doute pour la ludothèque ou pour aussi la suite Ouais, d'autres associations, d'autres événements, ou même personnellement. Voilà. Ouais. Voilà. Dans tout, vraiment, c'est une compétence que j'ai plus ou moins acquérie. Bon, c'est sûr qu'il y a tellement de fonctionnalités que c'est pas non plus possible de tout savoir, mais vraiment les bases, ça va, quoi. Oui, ça fait quand même toujours un petit plus. C'est ça. Sur le CV ou même dans la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ils faisaient comment avant les affiches à la ludothèque? Sur Word. D'accord, oui, je vois, ouais, avec les petits... Ça donnait pas du visuel, voilà, comme on a eu là. Après, c'est vrai que moi, pour ma part, je maîtrise pas du tout Photoshop. Donc, du coup, effectivement, je lui ai donné quelques petites idées. Après, elle m'envoyait ce qu'elle avait fait. Après, je lui disais si ça allait ou si ça allait pas. Et on remodifiait, et voilà, pour donner quelque chose. Après, voilà, j'étais pas obligée d'utiliser Photoshop. Hein. C'était à mon plein gré. Voilà, je l'avais sur mon ordinateur. Je dis, pourquoi pas le mettre à profit de cette mission-là. Et du coup, voilà, j'ai eu des compétences en Photoshop. Ok, alors pour finir un petit peu sur le service civique, est-ce que vous le recommanderiez à des gens? Voilà, si quelqu'un vient et dit voilà, moi j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu en tires et est-ce que tu me le recommanderais, alors que ça soit en général ou à la ludothèque? Bien sûr. En général, les missions en service civique, on en voit vraiment de toutes sortes. C'est vrai que voilà, la mission que j'ai eue à la ludothèque, c'était spécifique. Après, on en voit beaucoup d'autres. Et de ce qu'on entend, vraiment, il y a des choses, vraiment, quand quelqu'un a un projet, une idée de métier, c'est vrai que le service civique, c'est une belle opportunité pour découvrir un métier et aussi de s'engager, de faire... Pour moi, je parle beaucoup d'engagement, de côté humain, et c'est vrai que ça apporte énormément de choses. Et ça prépare aussi peut-être pour certains jeunes, peut-être un peu au monde du travail au final, parce qu'on côtoie des personnes qui sont là, qui sont salariées, des personnes qui ont de l'expérience aussi à côté. Je pense que c'est une belle préparation aussi pour la suite. Et pour... Eh ben moi, je le vois vraiment comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, je le vois vraiment comme un tremplin pour l'avenir professionnel, et du coup, je le conseille aux jeunes qui souhaitent le faire, de le faire, et surtout de venir le faire à la ludothèque, bien sûr. Donc voilà. Sachant que vous êtes bien sûr ouvert entre guillemets, si quelqu'un est intéressé pour venir faire son service civique à la ludothèque, je vais y arriver, il n'y a aucun souci s'il peut juste venir et discuter avec vous. Oui. Au contraire, peut-être profiter des heures d'ouverture ou d'une soirée jeu pour voir un petit peu, prendre la température, entre guillemets, voir comment c'est. Ça. Ok, moi j'ai fait un petit peu le tour de mes questions, puis l'émission arrive bientôt à sa fin. Est-ce que vous vouliez rajouter un dernier mot? Non, on vous remercie de votre accueil. Oui, et puis, merci beaucoup. Peut-être un petit point sur les derniers événements, enfin les prochains événements à venir à la ludothèque. Donc les prochains événements, alors il y a un gros événement le 9, 10 et 11 mars qui se déroule à Épinal, donc qui s'appelle Jeux et compagnie, donc auquel la ludothèque participe, donc dans le secteur enfance. Il y aura un espace Capla et un espace jeux de société. Donc voilà, et la prochaine donc soirée jeux le 20 mars, donc à partir de 18h30. Donc voilà. Un site Facebook ou un site internet pour vous suivre? La page Facebook, c'est Ludothèque de Remiremont et de ses environs. Voilà. Plus, vous êtes plus actif sur Facebook que oui, site internet. Facebook, oui. Ok, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Merci à vous. J'invite les auditeurs et auditrices qui sont intéressés par un service civique à jeter un œil. Donc plutôt, on a dit vers juin ou l'été, donc pour une prochaine mission au sein de la ludothèque. Et puis sinon, en tout cas, n'importe quelle personne qui écoute à venir tout simplement à une soirée jeu ou jeter un œil pour emprunter donc des jeux à la ludothèque. En tout cas, dans cette émission, on se retrouve pour la semaine prochaine avec un autre service civique. Donc cette fois, ça sera avec l'association Sport et Loisirs de Vincé. On se retrouve donc mercredi prochain à 14h.